الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. غافر الذنب، absoluteur du péché. وقابل التوب، et agréeur du repentir. شديد العقاب، qui punit sévèrement. ذي الطول، et qui est généreux sans limite. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite entre vous, donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah, rapporté par l'imam Muslim, l'imam At-Tirmidhi et Ibn Majah. Ya Rab, Aina al-Qurun al-Madiya, Taraku al-Manazil khaliya. فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية درجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية ولقد عتوا زمنا ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العادية قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية يا عاشق الدار التي ليست له بمواتية أترى شبابك عائدا أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين J'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui, الظلم ظلمات يوم القيامة, l'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection. متفق عليه, unanimement authentique. سيدي, أمير الأنبياء, maître, émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, et au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en Islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. قال الله تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم, informe mes serviteurs que c'est moi l'absoluteur et le miséricordieux par excellence. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, et que mon supplice est lui le supplice douloureux. وَقَالَ تَعَالَى, et Dieu a dit dans un autre verset coranique, اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, sachez que Dieu a le châtiment sévère et que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. تكلمنا في في الماضي عن اسم الغفور. Nous avons parlé dans le passé du nom d'excellence de Dieu qui est l'absoluteur. واليوم سنتكلم عن المنتقم. Et aujourd'hui on va parler du vengeur. حتى لا يظن احد ان الله غفور رحيم وانتهت. Afin que personne ne croie que Dieu est absoluteur et miséricordieux et ça s'arrête là. وينسى ان الله شديد العقاب. Et il oublie par là que Dieu a le châtiment le plus sévère. قال الله تعالى, Dieu dit dans un autre verset coranique, والله عزيز ذو انتقام. Et Dieu est tout puissant et vengeur. والانتقام هو العقاب الشديد بسبب ذنب تقدم او جريمه تقدمت في الماضي. Et la vengeance divine signifie le châtiment sévère à cause d'un péché commis dans le passé ou un crime commis dans le passé. Min ghayr tawba wa ma'a israr. Un péché passé et par la suite il n'y a pas de repentir, mais par contre il y a une persistance. Wallah lamma yantaqim. لما يعاقب لا يظلم احدا. Et Dieu, le Tout-Puissant, le Vengeur, lorsqu'il se venge, lorsqu'il punit, ne commet pas d'injustice. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وما ربك بظلام للعبيد. Et ton Seigneur n'est nullement commetteur d'injustice envers les serviteurs. والله قبل ان ينتقم قبل أن يعاقب يعطي مهلة طويلة. Et Dieu, avant de se venger, avant de punir, il accorde un grand délai. Il accorde une longue période à l'injuste, au pécheur. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et salut sur lui dit, إن الله يملي للظالم. Dieu certes accorde un long délai à l'injuste. فإذا أخذه إذا انتهى الإملاء إذا انتهت المهلة أخذه لم يفلته. Mais lorsqu'il le saisit, il ne le rate pas du tout. متفق عليه, unanimement authentique. فكم من شخص يعيش في المهلة. Combien parmi nous, d'hommes ou femmes, qui vivent dans le délai, la punition va arriver, va les casser. Et il dit, rien ne m'a touché. Malgré que je commets des péchés. Et il ne se repent pas, parce qu'il est dans le délai, et il a oublié que la punition a pris son chemin vers lui. Wallah, la yantaqim. إلا من الظالمين والمجرمين. Et Dieu ne se venge que des injustes et des criminels. قال الله في آية قرآنية. Dieu dit dans un verset coranique, إنا من المجرمين منتقمون. Nous nous vengerons certes des criminels. والله يرسل للظالمين رسولا ينذرهم قبل الانتقام. Et Dieu envoie toujours un messager aux criminels, aux injustes, avant de se venger, afin de les avertir de la vengeance. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الله, هذا هو المنتقم, وضع شروطا للانتقام. Nous ne soumettons jamais au supplice avant d'envoyer auparavant un messager. Tel est le vengeur. Il s'est posé à lui-même des conditions. Si les conditions ne sont pas là, il ne se venge jamais. والانتقام الالهي ينقسم الى قسمين. La vengeance divine se partage en deux ou existe sous deux formes. Intiqam halak, une vengeance d'anéantissement, d'extermination, ou intiqam tarbiya, et une vengeance d'éducation. وبعد هذه المقدمة أمر إلى التفاصيل في أربعة نقاط. Après cette introduction, je passe au développement qui se constitue en quatre points. وأبدأ بالنقطة الأولى, et je commence par le premier point, وهو انتقام الهلاك, qui est intitulé la vengeance d'anéantissement. وهو خاص بالذين كذبوا برسول الله واستهزأوا بهم. Cette vengeance est réservée à ceux qui ont mécru aux envoyés de Dieu et ils se sont moqués d'eux. Allah la yuhlik kull an-nas li'annahum kafirin. Dieu n'anéantit pas l'humanité parce que l'humanité a préféré la mécréance. La yantaqim min adh-dhalimin. Mais plutôt il se venge des injustes parmi les gens, qu'ils soient mécréants ou non. وَكَذَّبُوا بِرُسُلِ اللَّهِ وَاسْتَهْزَأُوا بِهِمْ. Donc ils se vengent de ceux qui ont mécru à son message. Et ils se sont moqués de ses envoyés. وَعَذَّبُوا مَنْ آمَنَ بِهِمْ. Ils se vengent de ceux qui ont persécuté les croyants. وَمَنَعُوا حُرِّيَةَ الْاِعْتِقَادِ. Ceux qui ont interdit la liberté de croyance sur leur terre. وَحَاوَلُوا قَتْلَ الرُّسُلِ. Ceux qui ont essayé de tuer les messagers. وَدَعَا عَلَيْهِمْ رُسُلُهُمْ. Et ceux contre lesquels leurs messagers ont fait des invocations. وَسَأُعْطِي عِدَّةَ أَمْثِلَةَ. Et je vais donner plusieurs exemples. المثال الأول, le premier exemple, قوم نوح عليه السلام, le peuple de Noé, prière et saillie sur lui. دعاهم نوح عليه السلام 950 سنة. Noé, prière et saillie sur lui, a fait l'appel pour son peuple pendant 950 années. فلم يؤمن إلا القليل منهم. Et pendant 950 années, il n'y avait qu'un petit nombre qui a cru de son peuple, qui a cru en lui. واستهزأوا بنوح عليه السلام. Ils se sont moqués largement de Noé, prière et saillie sur lui. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. Allah, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Muntaqim, أعطاهم مهلة 950 سنة قبل الانتقام. Gloire et pureté à Dieu. Allah, le Tout-Puissant, le Très-Fort, le vengeur leur a accordé une durée de 950 années avant la vengeance. Il lui était possible de se venger d'eux après une semaine, après un mois, après une année. Lorsqu'ils ont menacé Noé, prière et saillie sur lui par la lapidation à mort, تقول الآية, le verset dit, فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أنت يا الله يا منتقم انتقم منهم. Il appela, ça veut dire Noé, il appela son Seigneur, je suis vaincu Seigneur, prends donc toi-même ta revanche. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Nous ouvrîmes alors les vannes du ciel en des flots abondants. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Nous fîmes aussi jaillir de la terre des sources et les eaux se rejoignirent dans une épreuve déjà prédestinée. إِلْتَقَى مَاءُ الْأَرْضِ بِمَاءِ السَّمَاءِ. Il y a eu une rencontre entre les eaux de la terre et les eaux du ciel. وَغَطَّى الْمَاءُ الْأَرْضَ وَالْجِبَالِ. Et l'eau a couvert la terre, le niveau de la terre, et même les montagnes. وَكَانَتِ الْأَمْوَاجِ كَالْجِبَالِ. Les vagues ressemblaient pendant ces jours à des montagnes. هَذَا هُوَ الْمُنْتَقِيمِ. Tel est le vengeur. غَفُورٌ رَحِيمٌ. Absoluteur, miséricordieux. وَلَكِنْ عَزِيزٌ مُنْتَقِيمٌ. Mais en même temps, tout puissant et vengeur. رحيم بالمؤمنين بالتائبين. Miséricordieux à l'égard des croyants, à l'égard des repentis. منتقم من المجرمين المصرين مي فونجور دي كريمينيل بيرسيستون واهلك الله كل الظالمين اي ديو انيونتي تو لي انجوست ونجى فقط نوحا والمؤمنين على السفينه اي لا سوفي اونيكمون نو اي بريير اي ساي سور لوي اي لو بيتي نومبر دو كرويون اي بيان سور كي ايتي سور لارش. والمثال الثاني لو دوزيام اكزومبل قوم عاد لو بوبل دو عاد وكانوا جبارين ils étaient des puissants des très forts متكبرين des orgueilleux ورفضوا الايمان برسولهم هود عليه السلام ils ont refusé de croire au message de Houd prière et saisouille leur prophète تقول الايه le verset dit قال ربي انصرني بما كذبون مثل ما قال نوح ربي اني مغلوب فانتصر هود عليه السلام قال ربي انصرني بما كذبون il dit ça veut dire le messager Houd il dit seigneur donne-moi victoire pour la calomnie de mensonge qu'ils m'ont opposé فعاقبهم المنتقم بالمنتقم بعذابين et le vengeur leur a réservé deux punitions sous forme de deux châtiments. As-sayha, le cri brutal, as-sayha, war-rih, et le vent destructeur. Taqulu al-aya, le verset coranique dit, wa amma 'adum fa-uhliku bi-rihin sarsarin 'atiya, rih barida wa 'atiya qawiya, tuqli' al-manazil تجعل كل شيء يطير في السماء وهي باردة. Quant aux gens de Had, ils furent anéantis par un vent fort glacial. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. Dieu l'a dirigé contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs. حسوما يعني متتابعة. ما في انقطاع، ما في راحة. عذاب متتابع. فترى القوم فيها صرعى طيحين في الأرض صرعى ومش فقط على الأرض ولكن كونجلي صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية tu y voyais alors les gens étendus sur le dos comme des troncs de palmiers vides ils étaient congelés فهل ترى لهم من باقية en vois-tu un seul survivant هذا هو المنتقم تل اي لو فونجور غفور رحيم ولكن عزيز منتقم ميزيريكورديو اي ابسولوتور مي اون ميم طون تو بويسون اي فونجور واهلك الله الظالمين ديو ا انيونتي تو لي انجوست فبقت بيوتهم خاويه لور ميزون سون ريستي فيد اي اون روين ونجى هودا والمؤمنين et Dieu a sauvé Oud et les croyants. المثال الثالث, le troisième exemple, قوم ثمود, le peuple de ثمود, كانوا أقوياء, ils étaient très forts, كانوا ينحتون من الجبال بيوتا, ils taillaient des maisons dans les montagnes, ils taillaient même la pierre avec leur force. وطلبوا من صالح عليه السلام معجزة, ils ont demandé à leur prophète صالح un miracle. ناقة مخلوقة من صخرة من الجبل. Une chamelle, le miracle, il demandait une chamelle créée à partir du rocher. فلما خلقها الله, lorsque Dieu l'a créée pour eux, كفروا, ils ont préféré la mécréance. وقاموا بالجريمة, قتلوا الناقة, ils ont commis le grand crime, ils ont tué la chamelle de Dieu. وأرادوا قتل صالح عليه السلام et ils ont décidé de tuer صالح leur prophète prière et saisouille فعاقبهم المنتقم et le vengeur leur a réservé cette punition sous forme de deux châtiments بعذابين الصيحة le cri terrible le son insupportable exterminateur والرجفة et la secousse puissante صيحة من السماء un cri venant du ciel ورجفة من الأرض et une secousse venant de la terre قال تعالى Dieu dit dans un verset coranique فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. Regarde quelle a été la conséquence de leur ruse. إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Nous les avons détruits ainsi que la totalité de leur peuple. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Voilà leur maison vide et en ruine à cause de leur injustice. Il y a là un signe pour les gens qui savent. هذا هو المنتقم. Tel est le vengeur. غفور رحيم ولكن عزيز منتقم. Miséricordieux absoluteur, mais en même temps tout puissant et vengeur ou destructeur. صيحة من فوق, un cri qui vient du haut. ورجفة من تحت, une secousse forte qui vient du bas. هلاك للظالمين, un anéantissement pour les injustes. ونجاة لصالح عليه السلام والمؤمنين, et un salut pour صالح prière et celui et les croyants. المثال الرابع, le quatrième exemple. قوم لوط, le peuple de Lot عليه السلام, prière et salut sur lui. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أول من ابتكر هذه الفاحشة في العالم وقام بها سكان المدينة كلهم, مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين, لا, كل الرجال كانوا يقومون بهذه الفاحشة. Et Lot, quand il dit à son peuple, est-ce que vous commettez l'immoralité où nul être humain ne vous a précédé? C'était le peuple qui a inventé cette immoralité. C'était pas un ou deux qui commettaient l'immortalité, c'était tous les hommes de la ville. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa. Voilà que pour votre désir charnel, vous vous adressez aux hommes plutôt qu'aux femmes. Bal antum qawmun musrifun. Plutôt vous êtes vraiment un peuple excessif qui a dépassé toutes les limites. Wa kanu yahjumuna 'ala ad-duyuf min ar-rijal fi bayt Lut 'alayhi salam. Il attaquait les hommes, les invités hommes qui étaient dans la maison de Lot, les étrangers qui passaient par la ville. وَأَرَادُوا كَذَلِكَ إِخْرَاجَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ. Et ils ont voulu le faire sortir de leur ville. تَقُولُ الْآيَةِ, le verset dit, قَالَ, يعني لوط, قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. رأيتم, الأنبياء كانوا يدعون على أقوامهم. قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Il dit, ça veut dire لوط, Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. فَعَاقَبَهُمُ الْمُنْتَقِمُ بِثَلَاثِ أَنْوَاعٍ مِنَ الْعَذَابِ. Et le vengeur leur a réservé une punition sous forme de trois châtiments. قَالَ تَعَالَى, Dieu dit, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Le cri terrible les saisit alors au lever du jour ou au lever du soleil. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. العقاب الأول الصيحة, الصيحة وحدها تقتل. الثاني, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, قلب عليهم الأرض والمنازل. والعقاب الثالث, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِيلٍ. مطر حجارة, المطر ليس يعني حبات ماء, لا, حجارة. Le cri terrible les saisit alors au lever du soleil, ça c'était le premier châtiment, et nous la mime, c'est-à-dire toute la ville, sens dessus, dessous, il l'a renversé, ça c'est le deuxième châtiment, et fit pleuvoir sur eux des pierres d'argile dures, ça c'était le troisième châtiment. هذا هو المنتقم, tel est le vengeur. غفور رحيم, miséricordieux absoluteur, ولكن عزيز منتقم, mais en même temps tout puissant et vengeur. Saïha, un cri terrible, insupportable. Qalb l'ard, renversement des maisons et de la terre. Matar bil hijara, une pluie de pierre. Halakul l'zalimin, anéantissement total des injustes. Najatun lilout alayhi salam wal mu'minin, un salut pour Lot, prière et sajoui, et les croyants. المثال الخامس, le cinquième exemple, قوم شعيب عليه السلام, le peuple de شعيب, prière et salut sur lui. كانوا يغشون في الميزان. ومليح الناس اللي يخدموا في البيع والشراء يسمعوا هذا الكلام. كانوا يغشون في الميزان، ils trichaient dans la mesure ou la pesée. Et c'est bien que les commerçants écoutent bien cette histoire du peuple de Shu'aib. Le commerçant doit être sincère et véridique. وَنَصَحَهُمْ شُعَيْب شُعَيْب leur a fourni le bon conseil. وَلَكِنَّهُمْ رَفَضُوا النَّصِيحَة mais ils ont refusé le conseil. وَاخْتَارُوا الْكُفْر ils ont préféré la mécréance. وَهَدَّدُوهُ بِالرَّجْم وَالْإِخْرَاج مِنَ الْمَدِينَة ils l'ont menacé de mort par lapidation et de le faire sortir de la ville. تَقُولُ الْآيَة يعني دعاء شُعَيْب le verset coranique nous décrit l'invocation de شُعَيْب رَبَّنَا ربنا افتح بيننا ربنا احكم بيننا احكم وماذا ينتظر من الحاكم اللي هو الله تعالى وتبارك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وانت خير الحاكمين Seigneur départage entre nous et notre peuple en toute vérité et justice tu es le meilleur des arbitres طلب الحكم الالهي شعيب a demandé le jugement divin. يعني نصر لمن يستحق le jugement divin ça veut dire une victoire pour ceux qui la méritent وهلاك لمن يستحق et un anéantissement pour ceux qui le méritent. فعاقبهم المنتقم بثلاث انواع من العذاب et le vengeur leur a réservé une punition sous forme de trois châtiments الصيحة le cri الرجفة la secousse puissante والظلة سحاب أسود et le nuage قال تعالى Dieu dit dans un verset فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ils le traitèrent de menteur et ils furent alors saisis du supplice du jour du nuage إنه كان عذاب يوم عظيم ce fut en vérité le supplice d'un jour terrible صيحة un cri insupportable رجفة une secousse toute puissante وسحاب et un nuage أعطت مطر نار un nuage qui a donné une pluie de flammes de feu les autres c'était une pluie de pierre Dieu diversifie les châtiments والآن et maintenant une pluie mais de flammes de feu أحرق جميع الظالمين des flammes qui ont brûlé tous les injustes. هذا هو المنتقم. Tel est le vengeur. غفور رحيم. Miséricordieux absoluteur. ولكن عزيز منتقم. Mais tout puissant est vengeur. ونجى الله شعيبا عليه السلام والمؤمنين. Et Dieu a sauvé شعيب et ceux qui ont cru avec lui. المثال السادس. Le sixième exemple. معروف. Il est très connu. فرعون وجنوده. Pharaon et ses soldats. الذين كانوا يذبحون أطفال بني إسرائيل أمام أمهاتهم. Ces soldats qui par ordre de Pharaon égorgeaient les petits fils des enfants d'Israël devant le regard de leur mère, qui égorgeaient comme des bêtes les bébés masculins devant leur mère. جريمة ظلم un crime une injustice وقتل فرعون السحرة التائبين الذين آمنوا بموسى عليه السلام Pharaon a commis un autre crime il a tué les sorciers repentis qui ont cru à Moïse وقال فرعون أنا ربكم الأعلى et Pharaon a dit je suis votre seigneur suprême وأراد قتل موسى عليه السلام et il a voulu tuer à la fin Moïse prière et sur lui القصة جد معروفة l'histoire est très célèbre قال المنتقم في آية le vengeur dit dans un verset فانتقمنا منهم من فرعون وجنوده يا فرعون من القوي من المنتقم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في البحر الأحمر nous vengeâmes alors deux et les noyâmes dans la mer ça veut dire rouge تخيل البحر الأحمر مفتوح imagine la mer rouge ouverte وهناك جبلان من الماء عن اليمين والشمال. Et il y a deux chaînes montagneuses à droite et à gauche d'eau. Des montagnes d'eau. ووسط الطريق et au milieu du chemin تسقط جبال الماء على فرعون وجنوده. Les montagnes d'eau chutent sur Pharaon et sur son armée. متر واحد مكعب من الماء, un seul mètre cube d'eau. On imagine que chacun a eu un mètre cube d'eau sur la tête. يعني فيه طن. متر واحد مكعب وزنه طن. Un seul mètre cube pèse une tonne. تخيل هذا المتر كوب نازل من السماء من جبل. Imagine cette tonne qui descend d'une montagne de 4000 mètres. معنى فيه أربعة آلاف طن. Ça veut dire il y a 4000 tonnes. سرعة السقوط على رأس البشر. La vitesse à laquelle le mètre cube ou la tonne tombe sur la tête, 300 km par heure. 300 km par heure. تخيل كل هذا. Imagine tout cela. هذا هو المنتقم. Tel est le vengeur. غفور رحيم. Miséricordieux absoluteur. ولكن عزيز ذو انتقام. منتقم. Mais en même temps, tout puissant et vengeur. أغرق الظالمين. Il a fait noyer, ou il a noyé les injustes. وأنجى موسى عليه السلام أو نجى موسى عليه السلام والمؤمنين وإلى sauvé Moïse prière et sur lui et les croyants. المثال السابع, le septième exemple, قارون الغني المتكبر. قارون au Corée, le grand riche à l'époque de Moïse, c'était un neveu de Moïse ou un cousin, c'était un cousin de Moïse. Et il était très très orgueilleux. Wa huwa ibn am Musa alayhi salam, Qarun min abna'i 'umumat Musa alayhi salam. Wa ataahu Allah kunuzan, mush kanz wahid, kunuz. Et Dieu lui a accordé comme richesse des trésors, non pas un seul trésor mais des trésors. Mafatihuha, mafatih al-kunuz faqat la yastati'u hamlaha majmu'a min ar-rijal al-aqwiya. Seulement les clés de ces trésors, un groupe d'hommes forts était incapable de les porter, pour avoir une idée de sa richesse. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes et un pouvoir évident, إلى فرعون وهامان, هامان وزير فرعون. وهامان وقارون هذا الغني المتكبر وقارون فقالوا ساحر كذاب. Nous avons bien envoyé Moïse avec nos signes et un pouvoir évident à Pharaon, Aman qui était le vizir de Pharaon et à Karun. Ils dirent c'est un magicien imposteur. ونصحه قومه فرفض النصيحة. Son peuple, les enfants d'Israël, lui ont fourni le bon conseil et il a refusé. فعاقبه المنتقم. Et le vengeur lui a donné cette punition. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, فخسفنا به لمن القوة فخسفنا بكن فيكون فخسفنا به وبداره الأرض وبكنوزه دفن حيا. هذه قوة الله. Nous fîmes disparaître la terre sous lui et sous sa maison, ça veut dire et ses trésors. Dieu le très fort, le vengeur, l'a enterré vivant. La terre l'a avalé. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Aucun clan en dehors de Dieu ne fut là pour lui porter secours et il ne fut guère secouru. هذا هو المنتقم, tel est le vengeur. المثال الثامن, le huitième exemple. مدينة الصيادين, la ville des pêcheurs. Ça vient pas du péché mais de la pêche. وكانوا فاسقين, ils furent des pervers. كانوا يصطادون السمك. وكانوا فاسقين فابتلاهم الله على فسقهم بالحوت. Dieu les a éprouvés par l'épreuve du poisson, des poissons. يأتي ظاهرا فوق الماء يوم السبت. Les poissons venaient apparents sur la surface d'eau le jour du samedi. والعمل يوم السبت حرام عندهم. حرم الله عليهم أن يعملوا يوم السبت. Mais le samedi, Dieu leur a interdit le travail pendant le samedi. Ils ne pouvaient pas pêcher. وفي الأيام الأخرى يغيب الحوت. Et pendant tous les autres jours de la semaine, les poissons disparaissent. On ne les voit plus. فقاموا بالحيلة. Ils ont commis la ruse. فوضعوا الشباك يوم الجمعة. Ils ont placé les filets le vendredi. فيسقط فيها الحوت يوم السبت. Ainsi les poissons sont piégés le samedi, le lendemain, dans leur filet. ويأخذون الحوت يوم الأحد. Et ils récupéraient les poissons le dimanche, comme quoi ils n'ont pas pêché samedi. فعاقبهم المنتقم. Et le vengeur leur a réservé cette punition. قال تعالى, Dieu dit, فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كن فيكون قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بشر يصير قرد. أي حياة هذه؟ كيف سيعيش؟ عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. Lorsqu'ils violèrent par orgueil les interdits qu'on leur avait imposés, ne leur dîmes, soyez des singes, méprisés et bannis. Des hommes qui se transformaient par ordre Dieu à l'instant même sous forme de singe. هذا هو المنتقم. Tel est le vengeur. المثال التاسع والأخير. Le neuvième et dernier exemple. أصحاب الفيل. Les gens qui avaient dans leur armée l'éléphant. Les propriétaires de l'éléphant. جيش يمني قوي بقيادة أبرهة فرعون آخر. Une armée puissante yéménite sous le commandement d'un autre pharaon qui s'appelait Abraha. معهم فيل. Ils avaient dans leur armée un éléphant fort. جاءوا لهدم بيت الله الكعبة في مكة. Ils sont venus pour détruire, pour démolir la maison sacrée de Dieu, la Kaaba, dans la Mecque. فعاقبهم المنتقم. Et ils ont trouvé en attente le vengeur. قال تعالى, Dieu dit, وأرسل عليهم طيرا بابيل جماعات متفرقة من الطيور. Il envoya sur eux des vagues successives d'oiseaux. ترميهم بحجارة من سجيل. مطر بالحجارة. الطيور ترمي الأحجار الصغيرة والريح يأتي فيعطيها قوة فتصبح مطر من الحجارة. Les oiseaux qui les bombardaient avec des pierres de terre dures, anéantissantes. Les oiseaux, avec leur vitesse, jetaient les pierres et le vent venait pour donner une grande vitesse aux pierres qui bombardaient ces gens-là. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاكُولٍ كَاللَّحْمِ الْمَطْحُونِ كَعَصْفٍ مَاكُولٍ. Il les rendit comme de la paille mangée, comme de la viande hachée. C'était presque des explosions. Quand la pierre touchait quelqu'un, les parties de son corps commençaient à se désunir et à tomber sur terre. هذا هو المنتقم. Tel est le vengeur. غفور رحيم. Miséricordieux, absoluteur. ولكن في نفس الوقت عزيز منتقم. Mais en même temps, tout puissant et vengeur. هذه الأمثلة كلها تبين قوة ربنا المنتقم عند الانتقام. Tous ces exemples tirés du Saint Coran nous montrent la puissance extrême de notre Seigneur, le vengeur, lorsqu'il se venge. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد، عباد الله، نمر إلى النقطة الثانية. Serviteurs de Dieu, on passe maintenant vers le deuxième point. وهو انتقام للتربية، qui est intitulé vengeance éducative. يعني عقوبة هدفها التربية. Ça veut dire il y a une punition, mais qui a pour but l'éducation. المثال الأول، le premier exemple. قوم يونس عليه السلام، le peuple de Jonas، prière et salut sur lui. كفروا بنبيهم، ils ont mécru au message de leur prophète. فلما طالت المدة، après une longue période، غضب يونس عليه السلام، Jonas prière et salut sur lui était mis en colère، il s'est trop fâché. وتوعدهم بعذاب هلاك، et il les a menacés d'un châtiment d'anéantissement. بعد ثلاث أيام، et ceci après trois jours. وخرج من المدينة، et il a quitté la ville vers la mer. توجه إلى البحر. فندم سكان المدينة وخافوا. Les habitants de la ville ont regretté et ont eu peur, très peur. وبدأوا يبكون. Ils ont commencé à pleurer. رجالا ونساء وأطفالا. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était en train de pleurer. هناك من قال حتى الحيوانات. Il y a des interprètes qui ont dit même les animaux étaient en train de pleurer parce que lorsque la punition vient, ne préserve personne. ويسألون الله الرحمة. Et pendant les trois jours, ils demandaient à Dieu sa clémence. وآمنوا جميعا بالله. Et ils ont cru tous. Tous les habitants de la ville ont cru à Dieu. Leur prophète est parti. يونس عليه السلام ذهب. أكثر من 100,000 آمنوا. Plus que 100,000 ont cru. وجاء وقت العذاب. Le moment du châtiment est arrivé. أظلم الجو. Le ciel est devenu sombre. وَرَأَوْا الْعَذَابَ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ. Et ils ont vu le châtiment qui tournait au-dessus de leur tête. وَكَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ بِإِيمَانِهِمْ. Et Dieu a arrêté le châtiment pour eux grâce à leur foi. هذه القصة ذكرها ابن كثير في قصص الأنبياء. Cette histoire a été racontée par Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir. قال الله، Dieu dit: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ما في قوم آمنوا لينفعهم إيمانهم عند العذاب إلا قوم يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ومتعناهم إلى حين، يعني متعناهم إلى وقت موتهم. Quelle cité a donc tiré profit de sa foi excepté le peuple de Jonas? Une fois qu'ils ont cru, nous les soulageâmes dans la vie ici-bas du supplice d'humiliation qui les accablait et leur accordâmes jouissance jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire jusqu'à leur mort. هذا التهديد بالانتقام دفع الناس إلى الإيمان. Cette menace de vengeance a poussé les gens à l'époque à croire en Dieu. فالخوف من الانتقام كان عامل تربية. Donc la peur de la vengeance était un facteur d'éducation. أخرج الناس من الكفر إلى التوبة والإيمان, qui a fait sortir les gens de la mécréance vers le repentir et la foi. المثال الثاني, le deuxième exemple. أصحاب الجنة وهم أصحاب بستان, les propriétaires du parc. في سورة القلم, qui ont été cités dans le chapitre le kalam, la plume. إخوة لهم بستان, حديقة, des frères qui possédaient un grand parc. وجاء وقت الحصاد, le moment de la récolte est arrivé, c'était le lendemain, في الغد. وقرروا أن يفعلوا مثل أبيهم, ils ont décidé ensemble de faire comme leur père. ولا يعطوا شيئا للفقراء في الغد, et comme quoi ils vont rien donner aux pauvres le lendemain comme leur père. وقرروا الذهاب إلى البستان صباحا باكرا, ils ont décidé d'aller tôt le matin au parc. حتى لا يراهم الفقراء, ainsi les pauvres ne vont pas les voir et les suivre pour leur demander l'aumône. وفي الليل عاقبهم المنتقم, la nuit même, avant le matin, la punition du vengeur tomba sur eux. Il a envoyé les flammes du feu à tout le parc. Et le lendemain, le parc était devenu tout brûlé. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. Dieu les a punis avant même de commettre le péché. Il les a punis uniquement pour l'intention qu'ils avaient. فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى بُسْتَانِهِمْ فُجِئُوا Lorsqu'ils étaient devant leur parc, ils étaient surpris. Est-ce que c'est notre parc ou un autre ? وَفَهِمُوا أَنَّهُمْ تِقَامْ إِلَهِ Et ils ont compris qu'il s'agissait d'une vengeance divine. وَتَابُوا إِلَى اللَّهِ Et ils se sont repentis à Dieu. قَالَ تَعَالَ Dieu dit dans un verset, قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ Ils dirent, malheur à nous, nous, nous avons outrepassé les limites. Asa rabbuna ayyubaddilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. Peut-être que notre Seigneur nous le remplace par un verger meilleur. Nous espérons fortement en notre Seigneur. Kadhalika al'adab. Hada adab ad-dunya. Kadhalika al'adab. يعني في الدنيا كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون tels sont les tourments, ça veut dire de ce bas monde, et les tourments de l'autre monde sont plus grands s'ils savaient. هذا الانتقام كان عامل تربية. Cette vengeance était un facteur d'éducation. أخرج هؤلاء الإخوة من المعصية إلى التوبة والطاعة. Donc qui a fait sortir, c'était un facteur de vengeance ou d'éducation qui a fait sortir les frères du péché ou de la désobéissance à Dieu vers le repentir et l'obéissance. وكم الأغنياء اليوم الذين لا يخرجون الزكاة يحتاجون لسماع هذه القصة. Et combien les riches d'aujourd'hui qui n'acquittent pas la zakat sont dans le besoin d'écouter cette histoire. وهكذا الناس ainsi se comportent les gens. هناك من يتوب بعد موت أمه. Il y a celui qui ne se repent que lorsqu'il voit la mort de sa mère, que lorsque Dieu le prive de sa maman. هناك من يتوب بعد مرض وموت ابنه. Il y a celui qui se repent et qui revient à Dieu après avoir constaté la maladie grave de son fils et le décès de celui-ci. هناك من يتوب بعد خسارة ماله. Il y a celui qui se repent à Dieu après la perte totale de sa fortune. أو الطرد من عمله ou bien après le licenciement de son travail. هناك من يتوب بعد مرض طويل. Il y a celui qui se repent lorsqu'il subit une maladie. فالمنتقم يربي عباده بالعقوبة. Le vengeur éduque ses serviteurs par le biais de la vengeance. هناك من يجره إلى التوبة نعيم المنعم. Il y a celui qui est tiré vers le repentir par les bienfaits et les grâces du bienfaiteur. وهناك من لا يجره إلى التوبة إلا عذاب المنتقم. Il y a celui qui n'est tiré vers le repentir que par la vengeance ou le châtiment du vengeur. وأنت يا أخي ويا أختي اختر ما تريد. Et toi frère ou sœur, choisis ce que tu veux. وعادة الناس تحب الغفور الرحيم الرزاق. Par habitude, les gens aiment l'absoluteur, le miséricordieux, le donateur de subsistance, et par habitude, les gens redoutent et craignent le vengeur. Ainsi se réunit dans le cœur du croyant l'amour et la crainte de Dieu. Je passe vers le troisième point, l'amour du vengeur. Ada, الناس تكرهوا الانتقام والمنتقمين. Par habitude, les gens détestent la vengeance et les vengeurs. ولكن المسلمين يحبون المنتقم. Mais les musulmans aiment beaucoup le vengeur. لأنه ينتقم لهم من الظالمين. Parce qu'il se venge pour eux contre les injustes. لأنه يحفظ لهم حقوقهم. Parce qu'il préserve pour eux leurs droits. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Ne crois surtout pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. المنتقم في سورة الكهف أمر الخضر عليه السلام بقتل صبي. انتقاما لوالديه الصالحين. Dans le chapitre La Caverne, le vengeur a donné ses ordres suprêmes au verdoyant, prière et salut sur lui, de tuer un enfant à bas âge par vengeance pour ses parents vertueux. Asharat as-sinin qabla ma'siyatihim, une dizaine d'années avant de leur désobéir, Dieu lui a enlevé la vie, le vengeur. Al-muntaqim adkhala imra'a jahannam intiqaman li hayawan, le vengeur a fait entrer une femme à l'enfer par vengeance en faveur d'un animal. Hirra habasatha al-mar'a min ghayri ta'am hatta matat ju'an, une chatte qui a été emprisonnée par une femme sans repas, sans la nourrir jusqu'à sa mort. Akhi, ukhti, frère, sœur, zalamak an-nas, les gens étaient injustes à ton égard. Utrukhum lil-muntaqim, laisse-les aux vengeurs. Ukhti, sœur, zalamak zawjuk, ton mari est très injuste à ton égard. Ittahamak bil-khiyana, il t'a accusé pas de la trahison, ou antibari'a, et tu es innocente. Utruki lil-muntaqim, laisse-le au compte du vengeur. Zalamaki 'a'ilatu zawjik, la famille de ton mari était injuste à ton égard. Yuriduna at-tafriq dhulman baynaki wa bayna zawjik, ils cherchent la séparation de te séparer de ton mari injustement. Utrukihim lil-muntaqim, laisse-les au vengeur. Akhil faqir, mon frère le pauvre, zalamak an-nas, les gens sont injustes à ton égard. Lam yu'tuka haqqak, ils t'ont pas donné ta part ou ton droit. Utrukhum lil-muntaqim, laisse-les au vengeur. Akhi ukhti, zalamak al-awlad, frère ou sœur, les enfants sont injustes avec toi. Abkak al-awlad, les enfants t'ont fait pleurer. Utrukhum lil-muntaqim, sayurabbihim, laisse-les au vengeur, il va bien les éduquer. Wa fil akhir, et à la fin, amurru ila an-nuqta ar-rabi'a wal-akhira, je passe vers le dernier, le quatrième et dernier point, wa huwa al-wajib al-amali, qui est le devoir pratique. Al-amru al-awwal, la première chose, la tadlim, ne commets jamais d'injustice. Fa innaka lamma tadlim al-akharin aw tadlim nafsak bid-damb, parce que lorsque tu commets l'injustice envers les autres ou tu commets l'injustice envers toi-même par le péché, فَكَأَنَّكَ تُنَادِي عَلَى الْمُنْتَقِمِ, c'est comme si tu appelles le vengeur. وَتَقُولُ لَهُ يَا رَبْ إِنْتَقِمْ مِنِّي, et tu lui dis, ô Seigneur, ô vengeur, prends ta vengeance, prends ta revanche de moi. وَكُلَّمَا أَصْرَرْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِرْ فِي الدُّعَاءِ, et chaque fois que tu persistes sur le péché, comme si tu persistes dans l'invocation, vengeur, prends ta revanche de moi. فَالْمَعْصِيَةَ طَرِيقُ الْإِنْتِقَامِ الْإِلَهِ, le péché est le chemin de la revanche divine. الْأَمْرُ الثَّانِي, la deuxième et dernière chose, لَا تَنْسَ الْإِنْتِقَامِ مِنْ أَكْبَرِ أَعْدَائِكَ فِي الدُّنْيَا, n'oublie jamais de te venger de tes grands ennemis dans ce bas monde. وَهُمُ الشَّيْطَانِ, qui sont Satan, نَفْسُك, ton âme ou ton ego, toi, ta propre personne. Al-hawa, la passion, wa dunya bi shahawatiha wa mughrayatiha, et la vie ici-bas avec ses désirs et ses séductions. Hawil jahdak an tantasir alayhim, fais ton possible pour les vaincre. قبل ان ادعو اذكركم بانه في الاسبوع القادم ان شاء الله احتفالا بالمولد النبوي الكريم. Je vous rappelle que la semaine prochaine, pour célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, سيأتي يعني من المغرب الدكتور المقرئ أبو زيد الإدريسي. Il y aura parmi nous venant du Maroc le docteur Abu Zayd al-Muqri Abu Zayd al-Idrisi. سيقوم بخطبة الجمعة, qui va assurer ici même le discours du vendredi. وستكون له محاضرة أو ثلاث محاضرات, واحدة يوم الجمعة مساء واثنين يوم السبت. Il va assurer aussi trois interventions, trois conférences, une le vendredi soir et de samedi. Wa yawm al-ahad sayakun hafl insha'Allah ma'a firqat al-asala ta'ti min al-maghrib. Et le dimanche, il y aura une fête avec le groupe al-asala qui vient du Maroc. فحاولوا أن تحضروا وتحضروا نساءكم وأولادكم وتقبل الله منا ومنكم. Essayez mes frères et mes sœurs de venir, d'assister, de faire venir vos enfants et vos femmes et que Dieu agrée nos œuvres. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا منتقم انتقم لنا من أعدائنا من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا. اللهم غلبنا عليهم. اللهم لا تتركهم يغلبونا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا منتقم قنا انتقامك. يا رب نجينا من انتقامك في الدنيا والآخرة. يا رب إننا مسلمون وإنا نستغفرك ونتوب إليك، فلا تسلط علينا انتقامك، فإنك قد وعدت فقط الظالمين. يا رب قنا عذابك في الدنيا والآخرة. يا رب لا تعرضنا لانتقامك لا في الدنيا ولا الآخرة. يا رب نجنا من كل سوء ومن كل مكروه، نحن وعائلاتنا وأولادنا والمسلمين كافة أجمعين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، بلغ في هذا اليوم صلاتنا وسلامنا إلى حبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وكذلك وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.